D'après le journal internet sud-coréen Tongilnews, les membres relevant de la direction de mesures extraordinaires pour l'assurance du droit à l'existence des entreprises de collaboration économique Sud-Nord se sont emparés le 19 avril de la salle du ministre de l'Unification pour demander la compensation des dommages dus à la suspension par les autorités de la coopération intercoréenne.